3, 2, 1. Prout. Top. J'ai dit top parce que j'ai aucune race. Joe Blasto, Joe Blasto, Blasto Moira. Otapan wa yataka, boi opicho pahe. Joe Blasto, Joe Blasto, Blasto Moira. Otapan wa yataka, boi opicho pa. Tibola kutopa otu, bi opicho pa. Haritish di ing. Ho mulira, jo otukarundi, kurundi spiragusha, hakapan wa yatakata, jo pasinga hunkabe, ho, jo blasto, hey blasto mulira, avec moi, otapan wa yataka, bo i opi chopa, hey, jo blasto, blasto mulira. Otapan wa yataka, bo i opi chopa, hey, Joe Blasto, Blasto Moira. Otapan wa yataka, bo i opi chopa. J'avais pas vu ce que t'avais rajouté après. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est ah, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est moi. Installez-vous confortablement dans vos cockpits, puisqu'on va parler de la première grosse annonce de 2024 dans Faut qu'on en parle. Je vais la refaire parce que vous, vraiment, vous êtes des enfants, voilà ce que vous êtes. Installez-vous confortablement dans vos cockpits, on va vous parler de la première grosse annonce. Oh putain, j'ai peur, c'est compliqué. Ça. La puissance de son nom maintenant. Ouais, c'est ça. Dès que j'ai lancé sur TikTok, j'ai pensé à sa grosse taille de 35 cm. Non, oh, arrêtez, ça suffit. Installez-vous confortablement dans vos cockpits, puisqu'on va vous parler de la première grosse news de 2024. Il n'y a plus rien maintenant, il n'y a plus rien. C'est grosse, grosse qui fait mon salut. J'ai enlevé grosse. J'ai enlevé grosse. Oh Stuart. Oh, j'ai mal aux zygomatiques. Moi aussi, c'est ce que j'allais dire. Tu veux que ce soit moi? Non mais c'est bon, je vais te lancer, t'inquiète. Pour les gens qui détestent la galaxie lointaine, très lointaine, et ben vous pouvez regarder Ahsoka, c'est pas dans la même galaxie. C'est un peu réducteur, mais oui, ça a été. t'as résumé. J'avais juste envie d'être méchant. Grushkov, on va commencer. Grushkov, on va commencer très simplement. Et d'ailleurs, le 21 février, c'est mon. L'anniversaire de mariage. Oh, d'accord. Ah ouais, ça tombe plutôt bien. Pour regarder Bad Batch. Pour regarder Bad Batch. T'emmènes ton mec au resto et tu regardes Bad Batch sur ton téléphone, tu sais. Exactement. Merci, c'est énorme. Un peu comme ma bite. Faut aller de l'avant et il sera toujours notre magistrat préféré. Ouais. Là, imagine, il ramène Carano à la place. Pour le remplacer. On sait que vous l'aimez bien, alors. Carano en blackface. Pardon, j'ai fait une bêtise. J'ai dit une 2026, bêtise, c'est pas l'année prochaine qui sort, c'est en 2026. Mais je m'étais dit pareil. Je m'étais vraiment dit pareil. Mais j'ai juste mal lu. Mais... Oh, bah j'ai fait un rendre pour rien. Quel abruti. Mais quel bolos. Hein. Mais j'en reviens, mais pourquoi il parle de l'année prochaine? C'est en 2026. Mais je sais pas le dire. Oh, quel abruti. Mais qu'il est moche. à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Non, non, non, ça c'est pas vrai par contre. Tu te sors de ça comme tu veux. Ah non, c'est à toi de me lancer. En parlant de boulot, boulot. Ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Ika ? Ouais. Je pense que tu es vite distrait, Grushkov, par ce qui se passe dans le chat. Bah ouais, c'est de sa faute. Ika, non, Ika, mais Ika, arrête de distraire Grushkov. C'est parce que tout à l'heure, je croyais qu'elle avait des trucs intéressants à dire, mais t'avais raison. Il s'appelle Anthony ? Toto. C'est comme ça qu'il s'appelle ? Je crois, oui. Laisse-moi aller vérifier sur Patreon. Tu me mets en doute. Patreon.com/faucon-millennial avec deux L et deux N. Anthony. Membership. Non, attends, mais ils sont où ? Où est-ce qu'on peut trouver nos moches, là ? La moula ! La moula ! Bah, il va falloir que j'aille manger, donc... Oui, Anthony. On garde Anthony, c'est bien. Parfait, ouais. C'est bien. Tu couperas. Oh là là, j'ai faim, je suis fatigué. Faut que j'aille bosser. Envie de mourir un peu. En plus, Jordan Peele, c'est un bâtard. Fais chier. Désolé, je t'ai ruiné ta journée. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais quoi ? Je vais tout éteindre. Alexa, éteins la lampe. Alexa, voilà. Est-ce que t'as pensé à bien aller te faire voir ? Alexa, est-ce que t'as vanne ? Pardon. Horrible. Horrible. Est-ce qu'elle te répond ? Exprimé grâce à la parole. 3. Nom masculin, pièce de verre moyenâgeuse. Qu'est-ce que je comprends pas ce qu'elle me dit. Elle m'a parlé, mais j'ai rien compris. Elle t'a donné une définition, mais. Ouais, mais je sais pas de quoi, comme je me casse sur les oreilles, j'entends pas bien. Je sais pas, j'ai entendu truc moyenâgeux, mais. Ouais, pareil, j'ai entendu ça aussi, c'est tout ce que j'ai compris. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Je peux te laisser me lancer comme c'est moi qui commence? Ok. T'es pas... Je lance pas trop fort. Hein. Bah, je viens de le faire là, t'as pas entendu? Ah, qu'est-ce qu'on se meurt, putain! Pardon. En train de crever là. Le mec est dead. Grushkov, Grushkov, Grushkov. Il y a eu un problème sur le récemment, là, sur le compte. YouTube de Faucon Millennial. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors oui, non, alors pardon, non, pas du tout. C'est... Pas du pas tout. Du tout, non, je te relance. Lance-moi juste sur Bad Batch. Ok. Grushkov, tu as une news sur Bad Batch ? Non, pas du tout, c'est juste... c'était la fin de Bad Batch. Ouais, bah attends, on va recommencer. Et toi, apparemment, Adrien, tu es obsédé sexuel. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Non, ça, c'était Taz. Taz. C'est ça. Comment ? Qu'est-ce que tu fais encore ? Eh ben, j'ai deux amis qui viennent à la maison pendant une semaine, donc... Putain, mais ça va pas la tête. Ouais. Donc, vraiment... Fou, lui. Ah, il écoute, okay. Je suis Zanzito, voilà. Je suis Zanzibar. Là, je viens de convaincre un ami qui est pas du tout politisé en lui disant, frère, ton AAH, elle va être augmentée de 500 balles. Vote pour le Front Populaire. Il m'a dit, ah, ouais. Il a toujours voté de gauche, mais il a jamais été politisé, tu vois. Mais là, je lui ai bien dit, bon, maintenant... Ouais, je connais. Voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, je lui ai dit, écoute, mec, si tu veux te racheter une config, Vote le Front Populaire. Oh la faute. L'écran plasma, là. Non mais j'en suis au point où je vais peut-être potentiellement empêcher ma voisine d'aller voter, si tu veux. Donc, Let's go. Niveau démocratie, je n'ai plus rien à foutre. Voilà. Je pense que la démocratie était une erreur, de toute manière. Ouais. Ce qu'il faut, c'est un leader fort qui un suprême leader, même. Peuple. Exactement. Préférence grand, musclé avec un pantalon qui va haut, qui se balade torse nu et qui tue des vieux aussi. Qui tue des vieux. Je crois qu'il faut, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Ça, tu le mettras peut-être pas dans l'émission. Tuer des vieux, hein, vraiment important. SVP, oui. Pourquoi t'es pas super hypé pour Lukic ou Milenkovic? Déjà, je te remercie parce que tu dis pas genre Lukic ou genre Milenkovic. Et c'est bien, tu prononces bien les mots. Voilà. Pourquoi? C'est terrible. Parce que des fois, les commentateurs français, quand j'étais petit, je me rappelle, il y avait un footballeur, il s'appelait Daniel Liuboya. Il jouait en France, en Ligue 1. Oh, je connais, ouais. Et il était connu. Et ben, il était serbe. Et tous ces connards, là, je me rappelle quand j'étais petit, hein, ça m'énervait, ils l'appelaient vraiment Ljuboja. Ils sont tarés. Et faut être con quand même. Ah non, c'est un croate, pardon, je dis que c'est un serbe, mais c'est un croate. C'est un croate, voilà. Oh, c'est la même. Mais en même temps, il jouait en. Non, mais en même temps, il jouait en Serbie, je comprends pas trop. Enfin, bref. Il est serbe. Il est serbe, mais il est né en Croatie. Ok, d'accord, c'est ça. Ok. Mais voilà, bon, toujours est-il que. Je me rappelle quand j'étais petit et que des fois je tombais sur le foot, il l'appelait Ljuboja. Et c'est quand même... PSG. Il était au PSG, ouais. Faut qu'on en parle. C'est le nouveau générique. Il fait le jingle tout seul. C'est même pas le bon, en plus. C'est de l'inspo. Je deviens... Scatman. I'm the Scatman. Ok, alors on va synchroniser, on va faire 3, 2, 1, prout. Ce sera sur ce rythme-là à peu près. Ok, j'ai tapé et des mains. Et en fait, non, fais 10 prout, on a l'habitude de dire prout, nous, dans le groupe. Pardon. Et comme c'est Grushkov qui monte, ça va le faire rire en plus. Bof, on... Bah. Voilà, hein, au pire. Et sérieux, hein. Ouais. Exactement. De toute façon... Exactement. 3, 2, 1, prout. Los prutas. Let's go. Mega prutas. Il a attrapé la prutas. Tiens, attrape celle-là. À chaque fois qu'il le touche. Vas-y, il faut qu'on fasse un détournement. C'est juste ça. Juste des gros proutes. J'espère tellement qu'aucun de mes étudiants dans ma vie ne trouvera ce podcast, putain. Oh, j'espère qu'ils le trouveront tous. Et qu'ils se rendront compte que t'es un fan de... Et ils arrivent et font... Alors, c'est quoi votre avis sur Jésus? Ils arrivent... Bonjour, monsieur Kekachias. Ça fait longtemps, mais on est de retour pour vous parler des derniers... Merde. Attends, on se demande pas comment ça va? On parle pas de nos actualités? Non, je vous déteste. Comment ça va? Et toi? Ça fait longtemps, mais on est de retour. Faut qu'on en parle. Est-ce qu'on ferait pas genre un mot chacun? Alors tu dis faucon, moi je dis en, et puis Madhu elle dit parle. Let's go. Faucon. Merde, c'est à moi, pardon. On refait. Oh, vas-y, je vais mettre tout ça sans montage. Ça très bien, excellente idée, je pense. Faucon. En. Parle. Ah, ça fait bien. ça fait bien. Après, on se demande pourquoi on n'est jamais invité nulle part. Ouais, on sera là, on fera blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Blablabla, Japon, blablabla. Voilà, c'est ça. Oh, l'ambiance. Oh, ça va être quand on va faire le débrief de la célébration au Japon, ça. Ah, j'avoue, putain. C'était où la célébration cette année, déjà? Oh, je sais plus. Je sais plus, j'ai pas réussi à trouver. J'ai demandé à Adrien, il trouvait pas. Mais t'imagines l'arc des gens qui nous écoutent depuis le début, qui ont Chucky qui fait plein de blagues sur le fait qu'il sera dans Star Wars un jour, et puis là ça se rapproche de plus en plus maintenant, vraiment à une vitesse. incroyable. Que maintenant, il a des insiders et tout. Mais attends, on est d'accord, Tsuki ne joue pas dans, dans Andor saison 2. Non, mais alors, okay. Fun fact, si c'est, il avait quitté son école un mois plus tôt, il serait sûrement dedans parce que le casting qu'ils ont fait spécifiquement que Tsuki sait, Tsuki rentre en 300% dedans. Donc, à ça d'être dans la saison 2 de Andor. Mais Bon, c'est pas grave, il sera dans la saison 3. Oui, c'est ça. Attends, il n'y a pas de saison 3. Ouais, ben dans la saison 3 de... Vas-y, rattrape-toi. On te regarde. De, bah, de Skeleton Crew. Voilà. Par contre, c'est vrai que il y a la... Il y a la photo officielle de Andor saison 2 avec juste une photo de Diego Luna, là, comme ça, il est... Il est plutôt mignon, ce garçon. Ah bah, j'irais pas dormir dans la baignoire, hein, ça c'est clair. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, parfait. Transition. Piou. Piou. Piou. Vas-y, Maddy, introduis-moi. Ah, nice. Il va falloir qu'il garde ça, c'est trop bien. Nice. T'as de la matière pour faire un petit yé, là, à mon avis. Ah ouais, je sais pas si je peux tout garder, mais j'ai envie de tout garder tel quel, mais en même temps, ça fait très bien pour un petit bêtisier, là. Ouais, voilà, ouais. Alors, attends, comment je vais t'introduire ça? Vas-y, doucement. Oh putain, on a 2 ans d'âge mental, quoi. Oui. Non, attends, à 2 ans, on pensait pas comme ça. Attends, en fait, on est pire. Gigi Atatin Aspivaka Polika. Ah, c'est la chanson que t'as envoyée, là. Tu l'as appris par cœur, ça. J'ai pas écouté. C'est comme... Non, mais attends, mais ça, tu sais pas. Mais c'est l'une des premières fois où j'ai écouté le Faucon Millennial, Grushkov et Tsuki avaient des amis chez eux. Ouais. Sérieux? Et les gens réagissaient. Et j'étais pas encore ami avec eux à l'époque. Hein. J'écoutais juste ce podcast en mode « Oh, ils sont trop cool !» Et du coup, il y avait des réactions de public, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est un trop gros truc, ils ont un public. Et tout. Genre, c'est un truc de fou. En fait, non, c'était vraiment juste un apéro qui s'était éternisé, quoi. Excellent. J'attends, laisse-moi juste regarder s'il a bien mangé sa banane. Il a à peine commencé. La phrase la plus drôle de la Terre. Je suis... Merde. Je suis merde. Oups. J'ai saturé mercredi. Oups. Attendez, il faut que je pèse le gain. Non, capitaine. Qui vit dans un dada dans la mer. L'éponge carrée. Je connais pas la suite des paroles. L'éponge carrée. Oh non, je sais pas combien de fois il fait ça. L'éponge carrée. SpongeBob SquarePants. Salut Moussaillon et bienvenue dans Skeleton en croûte, l'émission de Faucon Millennial où on review les épisodes de la série Skeleton Crew. Oh merde, je sature. Alors, est-ce que t'as nettoyé le ponton, mon petit bébé? C'est pas plutôt le ponton. Ta gueule. Et du coup, Pardon, je viens de lire une bêtise ailleurs. C'est un truc, quelqu'un qui a reçu un mail, et c'est, le mail c'est « Cordyceps pour une érection puissante et sans faille ». What? Bah, la vache, t'imagines The Last of Us, mais ils bandent tous. Mais ouais. Voilà, c'est pour ça. Salut Moussaillon et bienvenue dans Squelette en croûte. D'ailleurs, je sais pas si on t'avait dit comment ça s'appelait. Si, c'est bon, t'inquiète. Ok, si c'est tu dis Zigounette, est-ce que tu vois ton... Zigounette. Zigounette, il est censé se passer quelque chose ? Prépare-toi, je vais faire une voix de vieux pirate pourri. Et moi, une voix super top. Je préfère te prévenir. Okay, moi, je suis pas fort de voix, donc je vous laisse faire. Juste pour l'intro, voilà. Au final, c'est très logique. Et je serais pas étonné. Oh ! Attendez. Tout va bien ? Ouais, j'arrive tout de suite. Ok, d'accord, pardon. Et Kakashi, c'est prêt pour faire les prouts. Bah ça, est-ce qu'on est aussi... Oh là, et d'ailleurs, j'en ai parlé à un petit aparté, tu couperas ça au montage, ou alors tu mettras en bêtisier. Mais j'ai fait écouter à ma copine l'histoire de Kakashi qu'on avait enregistrée. Elle a pleuré de rire, et à Noël, elle a fait un papier cadeau avec écrit Kakashi dessus. C'est parfait. Donc c'est vraiment... Compris. C'est mon nom. C'est officiellement mon nom. Je pense faire une demande de changement d'état civil. Enfin, de nom... sur la carte d'identité, quoi. Je me demande si, en vrai, tu fais la demande auprès... Non, ce sera jamais accepté. Auprès de l'état civil, ils font... Ce sera jamais accepté. Jamais de la vie. Parce qu'en France, c'est quand même vraiment genre contrôlé, j'ai l'impression. Ouais. Pas comme aux States où les riches ils peuvent appeler leur gamin R2-D2, tu vois. Quoi ? Ils ne pointent personne du doigt, évidemment. Personne. Attends, quoi ? Elon Musk, son fils, s'appelle genre. Mais oui. Mais attends, mais j'avais oublié, il y a Technomechanicus aussi. Ah oui, c'est vrai, putain. Il y a un gamin, il l'a appelé X aussi. C'est terrible. Ouais. Le mec ne connaît qu'une lettre. Il l'a donné comme prénom à deux de ses enfants, le mec. Ah bah, tu sais, c'est comme et quand t'es gamin et tu kiffes un truc tellement fort que tu mets ce truc partout, tout le temps. Mais c'est trop ça, putain. Quel le mec, il a 8 ans et demi. Et small dick energy, vraiment. Non, mais c'est terrible. Ah non, mais... Je sais pas si vous avez vu, en plus, en ce moment, depuis qu'il y a le CEO qui s'est fait flinguer, il va à tous les événements publics avec son enfant. Ah, mais quel gros bâtard. Oh putain, mais c'est trop bien, comme ça, on peut flinguer la descendance en même temps. Deux générations. On peut faire un double kill. On peut faire un double. On peut traumatiser l'enfant, comme ça, il se comportera pas comme son père. Horrible. Alors après, on a ces gamins de riches. On dirait qu'il a déshérité tous les autres, non ? Tous ceux qui sont pas comme lui, donc... En même temps, quand tu as 14 000 gamins aussi, bon... Je sais plus combien il en a, je crois qu'il en a 8. Alors que je suis même pas sûr qu'il sait ce que c'est un vagin, alors franchement... tu rigoles, mais c'est probablement... Ah non, vrai. Mais bien sûr. Il a fait... Et... Je sais pas comment il a fait. Ok, bon, bah c'est très bien. Tout ça va dans le bêtisier qui fait déjà un peu plus de 20 minutes là, et puis il sort. Il sort le 30 là. Donc, Oh, trop hâte, trop hâte. Putain, Adrien, il est trop positif aujourd'hui, je sens qu'il y a une couille. Peut-être bien. Je me suis douché avec les yeux ouverts sous la douche et maintenant j'ai mal aux yeux. Ah, pourquoi tu as fait ça ? Terrible. Je suis débile. Par contre, je suis extrêmement désolé. Il va falloir qu'on se dépêche parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ok, attends. Je te laisse finir et j'enregistrerai la fin après. Je suis désolé, okay. Faut qu'il y aille. De quoi je vais parler ? Bisous, bisous. De cette séquence-là. Et après, tu fais des bisous. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, un petit message d'abord pour moi, pour dire Merci à tout le monde pour cette nouvelle année de Faucon Millénial qui s'achève. Cette sixième année, c'est dingue qu'on soit toujours là. On s'amuse beaucoup à le faire. On a tellement de choses qu'on a envie de faire. On n'a jamais le temps de tout faire, mais l'avenir a l'air brillant. On a plein de choses à vous faire découvrir. Pour vous faire réfléchir l'année prochaine et surtout pour vous faire rire parce que c'est bien de rire aussi. Voilà, c'est tout. Juste un petit message pour remercier tout le monde et vous souhaiter une bonne année 2025. Bisous tout le monde! Je vais vraiment aller faire un truc, mais vous le verrez tout à l'heure. Ah, d'accord. Donc tu vas chanter voilà. Le générique, mais... c'est un truc dans la même veine, je pense. Voilà. Ah, tu vas chanter le John Nana Wood, là. Bye. Bah, voilà, c'est ça, c'est ce que je pensais. Bye. Bye. Bye.